chercher la vie, qu'aventurer tout le vieux misère, dans des moins. Si n'a pas souffri, vous pas besoin de plus. La vie a fait de déception et d'humiliation. We'll be right back. pas toi.